All for you, Janet Jackson sur RGM, 8h presque 38 minutes. On parle maintenant anniversaire. Ils sont nés un 16 mai 1944, naissance de Danny Trejo, acteur américain vu dans Desperado, Une nuit en enfer 1, 2 et 3 dans le rôle de Razor Charlie, Le Jaguar, Anaconda le Predator, 6 jours 7 nuits, Spy Kids 1, 2, 3 et 4 dans le rôle de Machete Cortez, dans Triple X dans le rôle de El Jefe, dans la série télé Sons of Anarchy dans les saisons 4 et 5 dans le rôle de Romero Parada. 1951, naissance de Christian Lacroix, couturier français. 1953, naissance de Pierce Brosnan, acteur irlando-américain qui a joué dans 4 films de James Bond. GoldenEye, Demain ne meurt jamais, Le monde ne suffit pas et meurt un autre jour. Mais on a pu le voir également dans Madame Doubtfire, Mars Attacks, dans le rôle du professeur Donald Kessler. Leçon de séduction, Mamma Mia, dans le rôle de Sam, rôle qu'il reprendra d'ailleurs dans le deuxième volet qui sortira courant juillet. Vu également dans The Ghost Reader, Percy Jackson, le voleur de foudre, dans le rôle de Chiron, Remember Me ou encore The Foreigner, dans le rôle de Liam Hennessy. 1955, naissance de Debra Winger, actrice américaine, connue pour son rôle de Drusilla, alias Wonder Girl, dans la série télé Wonder Woman, et vue dans les films Urban Cowboy ou encore Tendre Passion. 1959, naissance de Mary Winningham, actrice américaine, vue dans la série télé Dingue de toi, Grey's Anatomy dans le rôle de Suzanne Grey, Esprit criminel, 24 heures chrono ou encore The Affair dans le rôle de Sherry Lockhart. 1963, naissance de Serge Tessoguet, guitariste français du groupe Noir Désir. On écoute tout de suite un extrait de leur titre Le vent nous portera. Voilà pour l'extrait du titre de Noir Désir. 1965, naissance de Christ Novoselic, bassiste du groupe Nirvana, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Smells Like Teen Spirit. Voilà pour l'extrait du titre de Nirvana. On continue les anniversaires. 1966, naissance de Janet Jackson, chanteuse américaine. 1968, naissance de Judith Henry, actrice française vue dans Germinal dans le rôle de Catherine Maheu, Les vacances du petit Nicolas dans le rôle de Madame Bernick ou encore dans la série télé Un village français dans le rôle de Micheline Larcher. 1969, naissance de David Boreanaz, acteur américain connu pour son rôle d'Angel tout d'abord dans la série Buffy contre les vampires, ensuite dans la série Angel, connu également pour son rôle de l'agent spécial Silebus dans la série Bones. Il est apparu également dans la série Sleepy Hollow quand les deux séries se sont croisées. Depuis 2017, il joue dans la série SEAL Team dans le rôle de Jason Hayes où il est également producteur de la série. 1973, naissance de Tori Spelling, actrice américaine connue pour son rôle de Violette Ann Bickerstaff dans Sauvée par le Gong, surtout son rôle de Donna Martin Silver dans Beverly Hills ainsi que dans Beverly Hills Nouvelle Génération, et il est apparu dans deux épisodes de la série Smallville dans le rôle de Linda Lake. 1974, naissance de Laura Pozzini, chanteuse italienne. 1977, naissance de Melanie Linsky, actrice néo-zélandaise vue dans Créatures Célestes dans le rôle de Pauline Parker dans Coyote Girls et dans la série Mon Oncle Charlie dans le rôle de Rose. 1982, naissance de Billy Crawford, chanteur philippino-américain. C'est également l'année de naissance de Lucas Kubo, joueur de tennis polonais professionnel depuis 2002. En simple, il a été 41e mondial en 2010, quart de finaliste à Wimbledon, 8e de finaliste à l'Open d'Australie, 16e de finaliste à Roland-Garros ainsi qu'à l'US Open. En double, il a été numéro 1 mondial le 8 janvier 2018. Il a gagné une fois l'Open d'Australie et Wimbledon, demi-finaliste à Roland-Garros et quart de finaliste à l'US Open. 1985, naissance de Stanislas Yanevski, acteur bulgare connu pour son rôle de Victor Krum dans Harry Potter et la Coupe de Feu. 1986, naissance de Megan Fox, actrice et mannequin américaine vue dans le journal intime d'une future star, Transformers 1 et 2 dans le rôle de Michaela Banse, 40 ans mode d'emploi, les Tortues Ninja 1 et 2 dans le rôle d'April O'Neil, dans la série télé La Star de la Famille dans le rôle de Sydney Chanofsky, et depuis 2016, elle joue dans la série New Girl le rôle de Regan Lucas. 1990, naissance de Thomas Brody Sangster, acteur anglais connu pour son rôle de Sam dans Love Actually, vu dans Tristan et Iseut, le labyrinthe, la terre brûlée et le labyrinthe, le remède mortel dans le rôle de Newt, vu également dans Star Wars épisode 7, le réveil de la force dans le rôle du sergent Tannison du premier ordre, et vu également dans la série Game of Thrones dans le rôle de Roren Reed. 1991, naissance de Grigor Dimitrov, joueur de tennis bulgare, professionnel depuis 2008, meilleur classement à l'ATP, la 3e place atteinte le 20 novembre 2017. Il a été demi-finaliste à l'Open d'Australie et Wimbledon, 8e de finaliste à l'US Open et 16e de finaliste à Roland-Garros. 1993, naissance de Johannes Bø, biathlète norvégien qui aux Jeux Olympiques de 2018 à Pyeongchang a obtenu sa première médaille d'or. C'était sur l'individuel. Il a remporté également lors de ces mêmes Jeux deux médailles d'argent, une sur le relais messieurs et une sur le relais mixte en championnat du monde. Il compte 3 médailles d'or, 4 d'argent et 2 de bronze. Et cette année, il a remporté le petit globe de l'individuel, le premier de sa carrière. Et à noter qu'il était à égalité au classement de points avec Martin Fourcade. En 1957, décédé Elliot Ness, policier de Chicago qui a arrêté Al Capone. Et en 1985, décédé Margaret Hamilton, actrice américaine connue pour son rôle de la méchante sorcière de l'Ouest dans le film Le Magicien d'Oz. Allez, avant de marquer une petite pause musicale, comme tous les mercredis, on va faire un point sur les sorties cinéma. Et on commence tout de suite avec Deadpool 2, film d'action de David Leitch avec Ryan Reynolds, Josh Brolin ou encore Morena Baccarin. Film d'animation Tad et le secret du roi Midas de Enrique Gatto et David Alonso. Autre film en guerre, un drame de Stéphane Brisé avec Vincent Ladon, Mélanie Rover ou encore Jacques Bordery. Autre film, L'homme qui tua Don Quichotte, film d'aventure de Terry Gilliam avec Jonathan Pryce, Adam Driver ou encore Olga Kurylenko. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme film? Et mon cœur transparent, un thriller de Raphaël Vital-Durand et David Vital-Durand avec Julien Boisselier, Caterina Murino et Serge Riaboukine. Et je crois que c'est tout pour les sorties cinéma de cette semaine. On va tout de suite faire une petite pause. On va partir en Italie avec Laura Pozzini et son titre La Solitudine. Treno delle 7:30 senza lui, è un cuore di metallo senza l'anima, nel freddo del mattino grigio di città. A scuola il banco è vuoto, un marco è dentro me. È dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Fotografia, agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore e sento che ci sei, tra i compiti di inglese e matematica, tuo padre i suoi consigli che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via, di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai, chissà se tu mi penserai. Se con gli amici parlerai per non soffrire più per me, ma non è facile, lo sai. A scuola non ne posso più e i pomeriggi senza te, studiare è inutile, tutte le idee si affollano su te. La solitudine, Laura Pozzini sur le 107FM. Il est presque 8h51 et on fait maintenant un point sur la météo. La météo. Alors, ce sera encore une journée nuageuse et pluvieuse et orageuse. Des températures comprises entre 12 et 13 degrés ce matin, entre 15 et 17 degrés cet après-midi. Pour jeudi, ce sera encore de la pluie, des températures comprises entre 8 et 9 degrés le matin, entre 16 et 18 degrés l'après-midi. Et vendredi, la journée devrait marquer le retour des éclaircies, des températures comprises entre 9 et 10 degrés le matin et entre normalement 16 et 18 degrés prévues pour vendredi. Jeudi après-midi, voilà pour la météo. On fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Allez, on va commencer avec le cyclisme et le Tour d'Italie. Hier, l'étape 10 a été remportée par Mohoric. Thibaut Pinot, lui, s'est classé 28e. On fait un point maintenant sur le hockey sur glace avec les championnats du monde et la France qui s'est inclinée hier après-midi sur le score de 5-1 face à la Suisse. La France a donc terminé ses championnats du monde. Elle termine 6e du groupe A, termine en tête de ce groupe. La Suède devant la Russie, la République tchèque, la Suisse, la Slovaquie. Slovaquie. Sixième donc la France, septième l'Autriche et dernier est relégué la Biélorussie. Et dans le groupe B termine en tête la Finlande devant les États-Unis, le Canada, quatrième la Lettonie. Ensuite on a le Danemark, l'Allemagne, la Norvège et sera donc relégué la Corée du Sud. Et donc hier c'était le dernier match de Pierre Pousse et Dave Anderson en tant que coach de l'équipe de France. Ils ont d'ailleurs eu droit à une haie d'honneur à la fin du match, salué par l'équipe de France mais également par l'équipe suisse et salué par bon nombre d'internautes, notamment sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou encore Twitter. On connaît les affiches des quarts de finale qui auront lieu demain. Il y aura Russie-Canada qui semble très alléchant, États-Unis-République tchèque, Finlande-Suisse et Suède-Lettonie. Et en NHL, cette nuit, Tampa Bay s'est imposé 4-2 dans la manche face à Washington. Et ce soir, ce sera le match numéro 3 pour l'équipe de Las Vegas de Pierre-Édouard Belmar qui affronte donc toujours l'équipe de Winnipeg. Un mot de basket en NBA, cette nuit, le match numéro 2 a été remporté par Boston de Yabusele, 107-94 face à Cleveland. Aucun point pour le joueur français. Boston mène la série 2-0 tout de même. Un mot de tennis avec le tournoi de Rome. Et côté messieurs, la qualification de Lucas Pouille en 3-7 face à Andreas Seppi, 6-2, 3-6, 7-6. Shapovalov s'est imposé en 3-7 face à Berdic, 6-6, 3-7, 6. Goffin s'est qualifié en 3-7 face à Cecinato, 5-7, 6-2, 6-2. Le match entre Cilic et Harrison a été suspendu. Il se terminera aujourd'hui. Et au programme d'aujourd'hui, Lucas Pouille affrontera Edmund. Benoît Paire sera opposé à Schwartzmann. Tim affrontera Fonini. Nadal sera opposé à Dzumour. Alexandre Zverev à Berrettini. Dimitrov se repose à Nishikori. Djokovic à Basilashvili. Del Potro affrontera Tsitsipas. Isner sera opposé à Ramos Vinolas. Karina Busta affrontera Johnson et Anderson affrontera Bedene. Côté féminin, à noter hier l'abandon de la Française Kristina Mladenovic qui affrontait Sevastova. Kerber s'est qualifié en 2-7 face à Diaz, 6-2, 7-6. Svitolina s'est imposée en 2-7 face à Martic, 6-6, 2-6. Et Ostapenko s'est qualifié en 2-7 face à Zhang, 6-2, 7-5. Aujourd'hui, Caroline Garcia affrontera Babos, Muguruza se repose à Gavrilova, Stephens à Kanepi, Venus Williams à Vesnina, Alep à Osaka, Pliskova se repose à Sakkari, Wozniacki affrontera Van Jutvank, Keys se repose à Vekic et Kerber se repose à Begu. Avant de faire une dernière pause musicale, on va parler du concert Solimat organisé par Airplay. C'est pour le maintien de la maternité et de l'hôpital de Remiremont. Ce sera au Palais des Congrès de Remiremont, Faubourg de la Croisette, Champ de Mars. Ce sera du 18 au 20 mai. Donc ce sera ce week-end. Ça approche à grands pas. Voilà, on vous le rappellera tout au long de cette semaine dans les différentes émissions. Allez, on va maintenant donc marquer une dernière pause musicale avec Billy Crawford et son titre « Trekking ». Sliding into motion naturally. Don't let your body miss a beat. Don't Tracking de Billy Crawford sur RGM. Il est 8h59. Avant de se dire au revoir, un point rapide sur ce qui vous attend aujourd'hui. Dans quelques secondes, ce sera Regarde ailleurs, 10h, Les Ados avec l'IME de Saint-Amé. 13h30, la rediffusion des clés du succès présentée par Amadou qui nous parle de la chanson du Titanic. 16h, vous retrouverez toute l'équipe de 90 minutes pour Boomerang. 18h, l'heure des loups avec Lou. 19h, ce qu'il faut savoir avec Antoine. 21h, ce sera la rediffusion de Vincent ou de François. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Et excellente journée à tous.